Le 26 décembre 1960. Ma chérie, brille Paris. Fenêtre, bruit de loin, lettre sur ma table, que tu touches de tes mains, en mon souvenir. Je n'allumerai pas. Sur moi, l'ombre. Ne reviens-tu pas? Ne reviendras-tu pas? La porte peut-être s'entr'ouvre, et tu viens me surprendre. Ta lettre, blanche, crépusculaire, frange de bonheur dans l'obscurité, j'essaie aveugle de repousser la nuit, déchirer l'épaisseur nocturne. Mortuaire, déchirer ta lettre, revoir toi, de tes mains que tu n'as pas écrites, tes mains inertes, tes mains molles, oisives, sans vie, sans souffrance, mains non douloureuses. Te revoir avant le mot partir. Pourquoi partir? Partir où? Partir vers où? Devant quoi? Vers quoi? L'ombre coupée de ta lettre blanche. J'écris mal, tu dis que tu ne comprends pas. Les mots en vrac, pour toi, phrases incohérentes. Puzzle en morceaux de la vie en miettes. Tu ne lis pas, tu dis que mes lettres sont longues. Excuse-toi, tu perds patience en face des mots seuls. Des mots solitaires. Bric-à-brac des mots, quand j'arrête de vivre, pour écouter battre mon cœur, l'intelligence en débandade, spectateur de moi, soupir malhabile, extrait avec tant de peine, que je te jette au hasard, comme je peux. Phrases embrouillées, ma petite grammaire balbutie pour toi, ce reste d'amour, des mariages usés. Mais combien de peine d'aller jusqu'au fond, avec les longues mains du cœur, à la recherche du reste des vérités. Ne te plains pas de voir du vrai, si difforme en soi le dessin. Te souviens-tu, ma chérie, de nos blondes fiançailles ensoleillées dans la splendeur des jeunesses, des moissons, des paysages ensemble flambant d'amour et de beau temps? C'est une phrase. Souviens-toi des phrases. Celle-ci te plaît-elle? L'aimes-tu? Veux-tu des phrases? Viens. Reviens. Je te ferai des phrases, puisque tu les aimes. Mais le temps n'est plus aux phrases. Écoute-moi. Écoute mon cœur qui t'envoie des phrases. Ta lettre me dit quel triste Noël tu as passé, je suis désolé. Tu me vois désolé, je t'imagine seule, je pense à toi. Tu manques au cercle familial. Ton absence est navrante, anormale et mauvaise. Pernicieuse peut-être. Séparée. Brisée l'un de l'autre. Ma chérie, je t'ai fait des phrases lues partout, entendues partout, terminées par comme brisées l'un de l'autre, lues quelque part, entendues quelque part, vues quelque part. J'ai. Le 11 janvier 1961. Ma chérie, les fêtes se sont terminées, bien terminées, on était tous contents. Que t'ai-je écrit l'autre fois? Que vais-je écrire aujourd'hui? Ne t'ai-je pas parlé d'argent? Aujourd'hui, je parlerai d'amour. Qu'ai-je dit à la page précédente? Que la fête est terminée, que je m'en trouve épuisée. Qu'ai-je écrit dans l'autre lettre? Que ma vie se terminait. Que mon esprit aveugle à mon cœur qui l'enlace se trouvait épuisé. Folle, jalouse, sans raison. Qu'ai-je dit? Que sais-tu? Te souviens-tu? Que connais-tu d'Erida? Ne peut-on avoir une amie? Le cœur ne doit-il vibrer qu'une seule fois dans la vie? Quelle absurdité on nous a faite! C'est permis, j'ai le droit d'avoir des amis. Personne ne s'y oppose. On me laisse la liberté de mes sympathies. Que vas-tu penser? Toi, lointaine, en dehors de la comédie, toi réel, toi réaliste, en dehors des vocabulaires. Voici le vocable que j'ai adopté. Tu as du mal à saisir l'attitude d'un homme de foi. Être chrétien ne signifie pas construire une façade à sa personnalité, se forcer à faire ce qu'on n'aime pas. Ma foi me donne une explication du monde aussi profondément vraie qu'un ordre physique. Je me soumets à ces lois comme aux lois physiques, non pas contre moi-même, mais contre une espèce de folie qui, dans le domaine physique, me ferait oublier la pesanteur, et dans le domaine spirituel, me ferait oublier qu'il y a un ordre du mariage auquel je ne peux me soustraire. lu quelque part, mémorisé quelque part. Ma folie, c'est Herida, mon espèce de folie. Et comment m'y soustraire ? Voici le problème posé. Puisqu'aujourd'hui nous parlons d'amour, derrière la barrière des grammaires alignées, je contemplerai le rêve. Et tu peux me croire, lorsque je parle d'Herida, elle est une amie, puisqu'avec elle je ne suis pas mariée. La déduction te semble-t-elle rigoureuse ? Si tu désires ta liberté, veux-tu me le faire savoir ? La phrase fatidique, tu l'écriras, car elle m'est interdite. Je ne dirai pas « Ma chérie, rends-moi ma liberté, car je crève d'amour, comme je crève d'argent, comme je crève de faim, comme je crève de doute. » Mais je dirai poliment, courtoisement, à ma femme que j'honore et que j'aime, « Ma chérie, ne désires-tu pas reprendre ta liberté ? Car je t'aime. » La société, l'église, la famille me le commandent. J'obéis. Je demeure sensible au don du Seigneur en ce qui te concerne. Depuis tant d'années, je ne jouerai pas d'hypocrite pudeur. J'aime ton corps, ton esprit, ton caractère, ta sensibilité. J'aime, non, je n'aime personne. Tu m'ennuies plus que je ne puis dire. Avec ou sans mots, je ne t'aime pas. Avec ou sans mots, je n'aime pas Herida. Avec ou sans mots, je ne m'aime pas. J'ai besoin d'oublier qui je suis et qui je ne suis pas. Je meurs d'ennui. C'est ici mon unique mal. C'est pourquoi je suis un excellent pasteur. Le rôle me convient et me distrait. Grand théâtre. Lorsque je rencontre ces sots emmurés comme moi, enterrés vivants comme moi, sans existence et sans être comme moi, je me divertis de les mépriser secrètement comme je me méprise moi-même. Eux et moi, ensemble, oublions l'ennui de notre exiguïté. Eux et moi rêvons de mots, de fausses promesses, de faux bonheurs, de fausses gloires, de fausses amours en perspective, de fausses perfections, de saintetés imaginaires, de malheurs imaginables et de souffrances incroyables, que sais-je. Tout un programme chargé de distractions choisies. Et nous avons besoin d'être distraits. Ainsi s'édifie l'illusion de vivre et l'illusion d'être. Avec cette illusion se fait depuis 2000 ans le beau, le bien, le meilleur. N'est-ce pas un argument ? Ce grand mensonge incomparable et bon, l'Église, reconnue d'utilité publique, seul miroir à transformation pour nos faiblesses. Chez les catholiques ? Me ferais-je catholique ? Peut-être. Désolation de nos édifices sans beauté, de nos élucubrations sans bonté, sans bienfait, ou si peu de bienfait, par une sévérité cérébrale de l'esprit sans générosité. Mécanisme monstrueux de la cervelle qui a engendré des horreurs collectives. Si je tiens à mon ministère, à son action, à sa raison d'être, plus que je ne puis le dire, as-tu pensé, je dois m'interrompre, l'heure de la réunion, reçois mes baroques tendresses dépareillées, j'ai. Le 21 janvier 1961. Quel dimanche nous avons eu. Temps splendide, les fenêtres du salon grandes ouvertes. Que de visites, prévues ou non, allées et venues. Joyeuses rencontres, drôleries, plaisants propos. Herida, gentille, s'est occupée de la réception. Son soin pour le thé, remarquable. On l'a trouvée charmante. Toi, tu ne plais pas. La société ne te va pas, et tu ne vas pas à la société. Je n'ai pas une charmante femme, il faut s'y résoudre. Les enfants ont reçu des cadeaux. Le petit Freddy, mignon au possible, il dit d'une petite voix chantante, « Non, papa, pas frapper bébé. » Ma chérie, t'ai-je frappé ? Ai-je voulu te battre, te supprimer ? L'aurais-je fait si je n'avais été retenu par les mots auxquels je m'accroche ? Et qui m'empêche d'être la brute que je suis. Oui. Je t'aurais bien battue ce soir-là. Je t'aurais supprimée. Car tu me gênes. Ulcère de ma vie. Tumeur qui me ronge. Mon malheur et mon infortune, c'est ma femme. Et lorsque le petit Freddy me parle, je suis près des larmes, tant il me fait souvenir de toi. Ai-je voulu te frapper ? Dis-le-moi, car je ne m'en souviens pas. Ton image lointaine danse devant mon regard. Je ne sais plus ce que j'ai fait, ce soir-là. Ainsi tu es parti, à cause de ce soir-là peut-être. Je t'ai perdu, à cause d'un soir, Tu ne reviendras pas. Mon cœur au supplice le sépare à avance. Je le sème malgré mes raisons accumulées et l'inutilité de ces lettres absurdes. Dans un instant, j'ai eu la brève prescience de la destinée, la préconnaissance de l'inéluctable réalité, la vanité de nos discussions renouvelées. C'est donc irrémédiable. Ne te plains pas des mots auxquels en vain j'essaie de rallier ton âme. Sans eux, le rustre que je suis t'aurait fort maltraité pendant ces longues années de jeunesse et peut-être de bonheur. J'ai besoin d'Erida. Que ferais-je d'une femme qui fait tout pour que je sois moi-même? Je n'ai nul besoin d'être moi-même. Ne suis-je pas mon plus grand ennemi? Me faire taire, m'ignorer, m'anéantir. Mon moi brutal et sans honneur, qu'en ferais-je? Trêve de personnalité, trêve d'individualité. Le spectacle manquerait de grandeur, et le plus flatteur est encore de m'ignorer moi-même. Si j'étais moi, mais ma pauvre chérie, je préfère n'y pas penser et ne pas en dire davantage. J'ai. Le 26 janvier 1961, ma chérie, je cherche des arrangements, à tout prix, n'importe comment, afin que le cours des choses ne soit pas interrompu et qu'on ne me voit pas tel que je suis, prêt à tout pour le mensonge, pour le plus grand mensonge. Et j'écris, avec angoisse, avec fièvre, en hâte, entre deux voyages, entre deux courses, entre deux visites, entre deux correspondances. Je suis un homme affolé. Sais-tu ce que j'ai fait? Je suis sortie à 2 heures ce matin pour une longue et rapide promenade le long des quais. Noctambule de malheur, somnambule désespéré, fou, panique. Personne ne doit me voir dans ma réalité. Si différent et éloigné de celui que l'Église a bâti à coups de sacrements, de baptême, de communion, de réunion de 5 heures, j'ai peur du blâme. Peur, une peur affolante, peur de la réprobation. Je ne peux soutenir la réprobation. L'angoisse m'en est insupportable. L'angoisse me fait perdre la tête, perdre mes moyens, à l'idée de la mésestime possible. J'aime les dimanches, voir les sourires, sentir les poignées de mains amicales. Comment pourrais-je supporter que ces gens-là posent sur leur visage, au lieu du masque de miel, celui du mépris? Tu sais comme ils sont prompts à le faire, expérimentés dans cette seule gymnastique du cœur qui leur soit accessible, comme l'on passe vite dans ce monde des flatteries mielleuses aux exécutions sans appel. Pas de place pour de moyen terme. Je pense à toi. Je sais que tu as raison. Mais ces gens qui m'entourent sont les plus forts. Ils sont plus forts que toi. Ainsi se consommera notre rupture, parce qu'ils sont les plus forts. Le mot « rupture » est venu naturellement sous ma plume. Si tu ne reviens pas, Dora, c'est la rupture. Nous allons rompre. La vie se divise. Je voudrais te faire partager ma peur. Je me sens mûre pour le chantage. Mais aucune comédie ne vaut près de toi. Ma femme n'a peur de rien. Ma femme enfant terrible. Ni menaces, ni promesses. Nulles sont les intimidations, les pronostics funestes. Rien n'y fait. Ma femme libre, en liberté, en dehors des autres, en dehors du monde, que rien n'impressionne ou n'influence. Ma femme droite. Ma chérie, il faut que tu reviennes. Aussi, je vais trouver toutes les raisons, les pires et les meilleures, pour ne pas rompre, pour te faire plier, te faire céder, afin que le spectacle de ma déconfiture ne paraisse pas au grand jour. J'expose mes arguments de père, ceux qui te décideront à rentrer. Si tu ne reviens pas vers ton mari, reviens vers tes enfants. Nous accueillerons la mère prodigue, comme il est recommandé de le faire, à moins que le résultat soit tout différent, le résultat de mes intrigues filiales, de mes machinations familiales, ne répondent pas aux espérances. Que mes arguments de père, mes arguments de mari, n'empirent la situation au lieu de l'améliorer. Dans l'attente d'une réponse satisfaisante, reçois mes pauvres tendresses, mes tendresses d'arrangement. J'ai. Le 3 février 1961, ma chérie, je te demande pardon au sujet de ces lettres. Tu peux bien savoir mes pensées habituelles, la raison de mon embarras. Parce que tu es celle que j'aime. Parce que tu es celle que je hais. Plus je vomis mon âme et plus je dénude mon cœur. Pour toi, plus je te hais. Tu connais mon humanité. T'ai-je dit de revenir? Ne reviens pas, c'est inutile maintenant. Après ces lettres que j'écris pour l'ombre et pour moi-même, et que dans ma folie je timbre et je t'envoie. Près de toi, devant toi, je perds ma force et ma puissance. Ma petite puissance et ma petite force. Celle avec qui je veux vivre ne me connaîtra pas. Peu importe. Nous nous accommoderons de nos réciproques et mutuelles comédies admises et convenables. Avec toi, toute comédie est impossible. La vie est dure. Tu me fais la vie dure. Et lorsque tu partiras, es-tu déjà parti? Je pourrais dire sans mentir quel grand malheur était ma vie. Je ne peux plus, je ne supporterai plus le regard blanc de ton cœur étonné posé sur moi. Je me donne jusqu'en avril pour prendre une décision, car je décide, je prends une décision. Tu as tort de m'imaginer faible, désespéré, j'en suis loin du désespoir. À vrai dire, le bonheur est aux portes. Il est proche, il bat des ailes. Je décide encore. S'il y a une décision à prendre, je la prendrai. Ce n'est pas toi, c'est moi. En avril, je déciderai de mon malheur et de mon bonheur. C'est moi, ton mari, qui t'écris des lettres d'amour, d'amour bien décidé. Ma pauvre chérie, je vais te tromper. Ce n'est que cela, cette mince histoire d'adultère, pas plus. Ce banal incident. Et cette jeune fille envers qui je prends des responsabilités, je l'épouserai. Car mon adultère ne peut être le fait divers et quotidien. On ne peut en rester là. C'est impossible. Les petites dimensions non flatteuses ne sont pas les nôtres. Le drame est inévitable. L'ordinaire et l'inférieur ne nous vont pas. Le supérieur et le difficile seuls nous séduisent et nous honorent. Non, je ne l'aime pas, elle est comme toutes les filles. Mais le sexe chez nous s'accompagne de littérature et d'idéal. C'est indispensable. Nous serions trop humiliés de n'être que ce que nous sommes. Un homme et une femme dans un lit. C'est pourquoi je serai contraint d'aller plus loin, de poursuivre mon aventure, de la conduire de l'illégalité vers la légalité, du banal au sublime. Car nous ne condescendrons pas à nous comporter comme le vulgaire, ou plutôt sur ma vulgarité d'une heure, j'engagerai ma vie entière. Roman d'amour propre. Si je change d'avis, bien sûr, je change d'avis. Le père change d'avis et le mari change d'avis. L'homme change d'avis, de jour en jour, d'heure en heure, de lettre en lettre, de page en page. Ma chérie, je suis comme cet enfant qui avait dans le creux de la main trois petits cailloux brillants, qui sont l'amour, la foi, l'argent. Je m'aperçois avec cette détresse profonde que seuls connaissent les enfants combien mes trésors sont faux et mes cailloux sont valeur. C'est du toc. Je n'aime personne, je n'ai pas la foi, je suis sans fortune. Tout m'échappe à cet instant. La ruine est totale, générale. Je suis un homme ruiné, sans recours. Des hommes ont su de ces trois trésors en retenir trois, deux ou un. Imagine toutes les combinaisons possibles et la jonglerie de ces trois mots. J'ai perdu, sans rémission. Ta lettre à Fabrice m'apprend que tu as un meilleur emploi. Tout est pour le mieux. Bon courage, G. Le 10 février 1961, ma chère Dora, peux-tu avoir une vie spirituelle en dehors de Dieu ? Si tu as une âme, donc tu as une vie spirituelle, donc tu as un Dieu, donc tu as une église, donc tu appartiens à une société, donc tu as une famille, donc tu as un mari, donc tu reviens vers moi. G. Le 10 février 1961, 7 heures du soir. Dora, je ne suis pas criminelle, je ne tuerai personne, je ne suis pas escroc. Je rembourserai nos dettes, mais je risque d'être adultère. Ils me pardonneraient d'être criminel, ils me pardonneraient d'être escroc. Le crime et le vol toucheraient leur pitié. Ils ne me pardonneraient pas d'être adultère. Le bonheur par l'amour, ce grand spectacle, les rendrait impitoyables, de jalousie, d'envie et de vices refoulés. Tu les connais, je les connais. Ma lettre de ce matin te donne la juste idée. L'adultère leur est pire que le crime et le vol. Le sexe est leur cauchemar. Une monstrueuse prétention de l'esprit s'exprime par la haine du sexe. L'interdiction devient l'attraction la plus absorbante, par réversion, par inversion, débauchée de l'imagination sexuelle pervertie. Ils me comprendraient criminel, ils me comprendraient voleur, on pourrait arranger les choses, conserver la face, la fameuse face. Ils ne me comprendront pas, adultère. C'est sans arrangement possible. Alors ils m'écraseront de mépris, d'insondable dureté, de jugement sans rémission. Tu connais leur visage fripé et leur implacable regard. Donc tu reviens. Tu es ma femme, je suis un homme. J'ai besoin d'une femme dans mon lit, avec ou sans amour. Tu es la seule que j'ai pu mettre. La seule qui n'appellera pas sur moi la réprobation, le blâme, la condamnation sans merci de ceux qui m'entourent. Dora, tu reviens ? Parce que moi, le pasteur, j'ai envie de faire l'amour. J'ai. 15 février 1961, Dora, ta dernière lettre ne m'enchante pas, où tu dis ne plus vouloir vivre avec moi. Je réfléchis longuement avant de te répondre, stupéfait. Et quand on réfléchit, les choses apparaissent telles qu'elles sont, sans plaisanterie. De celui qui bavardait gaiement près des tasses de thé multipliées, qui a pu faire brutalement cet homme désenchanté autant que réaliste ? Ma femme, qui me déclare tout de go qu'elle ne veut plus entendre parler de moi et de mes affabulations romanesco-philosophiques. Elle me fait sans crier gare, faux bon. Elle me trahit, rompt les traités et engagements, refuse de me nourrir, de me remplacer auprès des âmes. Dit qu'elle n'est pas une heureuse mère de famille. Elle dit qu'elle n'est pas heureuse. Alors, ma chérie, c'est cela. Madame Pasteur n'est pas heureuse. Ce n'est que cela. Manque de bonheur. Le bonheur par défaut. Tout le reste, sauf le bonheur. Chère Madame Pasteur, en fuite, qui abandonne 10 ans après, toi et moi, je et tu. Lui et elle. Il va de soi que tu seras responsable de mon inconduite, de mon adultère. À vrai dire, je ne vois pas pourquoi je me tourmente. De toute façon, tu es la coupable, désignée coupable, née coupable, d'être femme et d'être faible, en mauvaise santé. Ils savent qu'un pasteur sans amour, un pasteur qui ne fait pas l'amour, est un danger pour la bonne marche des choses. Sur la route des âmes dirigées. Rentrons donc dans l'ordre. Viens, Dora, faire l'amour avec moi. Obligation baroque. Reconstruisons notre façade. Cessons de jouer les déraisons. Reformons la famille. Retrouvons la charmante société. Retournons au captivant mariage. Dora, il faut que tu reviennes. Tout s'arrangera, ils l'ont dit, comme moi. Mis au pied du mur, ils préfèrent arranger les affaires plutôt que recourir aux solutions extrêmes. Les arrangements avec le ciel, comme avec la terre, sont leur premier souci. Dora, ça va s'arranger. Tu travailleras ici, on va te trouver un emploi. Dora, tu recommences. Ce que tu as fait 10 ans, tu continues. Il n'y aura pas de rupture, rien ne sera brisé, nulle fracture irréparable. Tu recommences. Le toi, de toi et moi, pour Dieu. Dora, c'est au nom de Dieu que je t'écris. Postscriptum, obéis. Nous sommes pressés de redonner à la vie sa normale apparence, d'en finir avec la poésie, de retourner aux grandeurs arrangées, à leurs humaines mesures. Plus tard, j'écrirai, j'achèverai ma pensée. Jusque-là, reçois de mon cœur ce qui reste de j'ai. Le 23 février 1961, chère Dora, je propose pour la dernière fois ultimatum. Oublie le passé, reviens. Tes dernières décisions me sont incompréhensibles. Fixe-moi la date de ton retour, j'ordonne que j'avertisse mon entourage et calme les inquiétudes. Tu accepteras d'être ma femme. Je néglige la question physique qui désormais m'importe peu. Tu dois accepter toutes les conséquences de mon sacerdoce. Seule condition. La question physique, officiellement, ma vie spirituelle intense me permet de n'y pas céder. Officieusement, j'en désire une autre. Mais t'ayant conduite vers une rupture pour laquelle je te sentais disposée, je jouerai maintenant les offensés. Je n'y comprends rien, Dora est partie puisqu'elle était malheureuse. Oublie ton malheur, Dora, ton malheur commun. Notre rupture serait infiniment plus qu'une rupture, et c'est pourquoi je plaide. Ton refus, Dora, condamne un idéal tout entier. La prétention sans borne des comédies religieuses. Dans le couple, si j'étais l'homme, tu étais bien plus que la femme. Voici où se termine toute la grande sottise de l'émancipation féminine. Sont-elles égales des hommes ? Font-elles autant que les hommes ? Sans échapper pour cela à leur condition de femme ? Double vie épuisante du féminin masculin. La folie du couple peut rengainer ses satisfactions fallacieuses, tant est fragile l'égalité soi-disant conquise. Suppliciée sur l'autel d'une fausse prétention, ainsi vous voilà toutes. Je te remercie de vouloir prendre sur toi tous les torts. Ainsi ton dégoût est tel qu'il te conduit à la démence. Tout laisser, tout abandonner, pour dire non, pour la liberté du non. Dora, je ne te laisserai pas faire cette bêtise, car moi je ne suis pas fou. Je suis le chef de famille, encore, je décide. Si tu ne reviens pas, Fabrice n'ira pas te rejoindre. Oseras-tu affronter les jugements, ces jugements même que je n'affronterai pas? Mère en déroute, mère en fuite, ne crois pas que je te hais. J'emploie tous les moyens possibles. Abus de confiance, nous ne sommes pas au tribunal, que diable. Notre amour défunt nous tient dans la perfidie légalité des arrangements à l'amiable. Mon ami, il faut que tu reviennes. De l'amour à l'amitié, ne t'ai-je pas accompagné moi-même lors de ton départ? Ne t'ai-je pas embrassé affectueusement? Réponds, j'accepte ou je refuse. Ton mari en Christ, G. Le scandale, le tribunal, et tu reviens. Servira de signe. Sont-ils fous avec leur monogamie monstrueuse? Le monstre n'est pas moi, mais ce grand poète qui a inventé l'amour d'une seule personne pour toute une vie. Nous ne sommes pas tous des grands poètes, Dieu merci. Ma chérie, j'ai prié pour te rencontrer jadis, et je prie pour me débarrasser de toi maintenant. Dora si souvent seule. Le ministre est en voyage. La femme du ministre est seule, bien gardée par de jolis bébés. Le ministre au loin, non gardé. Nous avons été élevés à faire les choses de la vie d'une manière idiote et stupide, par ces incantations magiques, ces superstitions primaires, ces appels imbéciles vers le vide. Tu vois comme je suis enferrée dans cette histoire abracadabrante de parlottes en l'air vers les nuages muets étalés en flaques de couleurs. Intelligence engourdie par une éducation d'arriéré, perdu tout jugement de clairvoyance, d'initiative. Il ne reste que l'arrogance orgueilleuse d'un ciel placé au-dessus des têtes. Sans rien savoir de l'amour, enfant bien conservé, nous nous sommes épousés. Touchant, on en fera des films, des romans, des poèmes. Ma jeune fille, je t'ai prise. Jeune fille, je te laisse. Dora aux yeux sans fond. Et qui ne sait rien parce que je ne sais rien. Mais justement, j'ai envie de savoir. Là aussi, j'ai envie d'être comme les autres. Il me faut autre chose. Mon éducation sexuelle n'est pas faite. La théologie et les dogmes m'ont passé outre. Il serait temps que je comble cette lacune. Et peut-être l'ai-je comblé quelquefois, sans l'avouer. Le ministre est en voyage, non gardé. Pas avec toi, avec une autre. On ne peut rattraper 10 ans d'absurdité. C'est impossible. Ce que je n'ai pas fait avant le mariage, je le ferai après, avec une autre. Je le ferai plus tard. L'enfant Dora ne me convient plus, il me faut une femme. Victimes sommes-nous, toi et moi. Nous allons mettre un terme au sacrifice. La nuit s'écoule, la vie s'écoule. Plus d'une heure, j'ai fait des réussites. Petits dieux de papier, petits dieux accessibles. Quelques voitures à rouler sur le pavé dans l'aube grise pesante entre les murs. Ai-je passé une partie de la nuit dans cette pièce ? Alors je vais me reposer, dormir lourdement, sans prière, sans jeu de cartes, sans larmes, sans rêve et sans amour. J'ai. Le 21 mars 1961. Ma chère Dora, recommencer avec toi Dora, comme au premier jour, avant les erreurs accumulées, les erreurs que nous ne renouvellerons pas. Et tu sais quelle est mon erreur ? Celle même à laquelle je faisais allusion la nuit dernière, au long d'une lettre qui m'amenait au petit jour, suivant l'obscur et sinueux chemin de mon âme. Dora, tout n'est pas perdu. Nous avons une âme. Il nous reste ce mystère, ce trésor. Mariage d'argent, ma chère. Deux fortunes ajoutées, ton âme et la mienne. C'est pourquoi nous souffrons tant. Nous hésitons. De là vient notre douleur. Tout serait si simple sans l'âme. Ce désespoir est notre richesse. Et si nous avons commis des erreurs, c'est d'avoir eu trop d'âme. Gérard m'a conseillé de revenir aux réalités, très simplement, de te rendre amoureuse, ni plus ni moins, après 10 ans. Le mariage de raison, d'idéal partagé, de fortunes ajoutées, étant à son avis celui que nous avons fait 10 ans plus tôt. Maintenant, reste plus qu'à s'aimer. Avec 10 ans de retard, mariage d'amour, Dora, qu'aujourd'hui je te propose. Nous sommes restés entre âmes, 10 ans durant, restent les corps. Je suis coupable. Par la sotte éducation qu'on m'a donnée, je n'ai pas su rendre amoureuse ma jeune fille en robe blanche, ni me l'attacher de cette manière animale et indivisible. Gérard m'a conseillé de t'embrasser sur la bouche. Mon Dieu, j'ai complètement oublié de t'embrasser. J'ai perdu l'habitude de t'embrasser pendant toutes ces années, sinon par le mince et bref baiser des départs et des revoirs quand je voyage. Ma petite âme, Gérard m'a conseillé de te faire des compliments. Que dirais-je à ma femme de 10 ans pour la mettre en humeur? En humeur amoureuse. Dora, j'aime le galbe de tes bras. C'est bien? Mais j'imagine ton visage impassible. Gérard, évidemment, ne te connaît pas suffisamment. Dora, j'aime ton corps. C'est bien? J'essaie de m'y mettre, ma pauvre âme. Il va falloir s'y mettre à l'amour avec 10 ans de trop. À nous deux maintenant, Dora. Qu'est-ce que tu penses de mes déclarations d'amour? Moi, le pasteur, je me déclare, je prends conscience de la femme qui est près de moi, qu'on peut en être amoureux et que ce n'est pas mal. Trop tard. Ma femme est aimée, voile son visage de sourde et muette. Deviens-tu folle? T'en souhaites l'amour et ne l'ont pas? Et c'est avec une autre que je commencerai. Que je recommencerai à être l'homme que j'aurais dû être, débarrassé des 1000 sornettes qui ont bercé mon enfance. Gérard et sa femme attendent un enfant, ce sera 8e. Elle est très fatiguée. Peut-être auras-tu l'occasion de la rencontrer, en Suisse. Ils ont de la fortune personnelle. Voilà qui arrange bien les choses. Que n'en avons-nous aussi? Nous, les pasteurs, sommes comme les artistes. La fortune personnelle nous est indispensable. J'ai. Le 31 mars 1961... Chère Dora, naturellement, Dora, si tu reviens, je te supporterai. Je ferai contre mauvaise fortune bon cœur. C'est ma femme, elle est de retour. Si tu ne reviens pas, je ne m'en apercevrai pas. Je suis franc. Sorti du temple, je suis franc. Et dans nos têtes à tête, je suis franc. Tu ne supportes pas que je passe de la sainteté à l'humanité, du temple au parvis. Mais quand suis-je un saint et quand suis-je un homme? Dedans ou dehors du temple? Pourtant, tout est là. Ma comédie, mon double jeu, mon angoisse érigée en religion, mon désespoir appelé théologie, mon hypocrisie devenue système philosophique, mon abjection revêtue de dignité. Dora, tout de même, je ne peux pas toujours être un saint. Quelques heures par semaine devraient suffire. J'ai. Le 1er avril 1961. Chère Dora, ai-je dit que je ne suis pas poète? Je suis poète. Ma foi est mon poème. N'ai-je pas la foi? Alors je confesserai que mon apparence de foi est mon poème. Nous ferons-nous catholiques, c'est à considérer. Alors je serai prêtre, vêtu de noir, au hasard des rues, je conduirai mon rêve étrange. Est-ce donc si triste de vivre des rêves? À propos, ma chère Dora, ai-je terminé ma précédente lettre par bien amicalement, mon ami? Les intimes conversations avec Gérard n'ont pu me replacer 10 ans plus tôt, il est trop tard, pour aimer, pour t'aimer. Dora, la morale chavire, et le rêve se fera réalité sans que la morale y ait pris sa part. Je vais te tromper. Femme malade, femme éloignée, je vais te remplacer. Toi, Dora, tu ne reviendras pas. Les nuits passées à t'écrire, te réclamer, prier, expliquer, controverser, je n'en peux plus, rupture, Dora. Le mot rupture écrit partout en lettres brûlantes. Rupture entre le ciel et la terre, entre les hommes, entre nous, entre toi et moi. Tragique, ce face-à-face des uns et des autres, de toi et de moi. Ce langage de surmoi, ces pantomimes. Rupture de famille, rupture d'amour, dans le secret des maisons. Ainsi, terminons ensemble sur la rupture. Une certitude, nous allons rompre à l'amiable. Après 10 ans de désaccord, nous serons d'accord sur le mot fin. À demain, cher ami, il se fait tard. Bien à toi, G. Le 18 avril, chère Dora, la rupture a pris d'argent. Pas d'argent, pas d'avocat. Pas d'argent, pas de défense. Pas d'argent, pas de vertu. Pas d'argent, pas de pardon. Pas d'argent, pas de bonheur. Pas d'argent, pas de rupture. Au cas où les enfants me seraient confiés. Je ne vois pas pourquoi les enfants me seraient confiés, d'ailleurs. Après toutes ces lettres compromettantes, fourbes ou franches que je t'adresse. Toutefois, je peux écrire la phrase. Elle est jolie, elle est comme un gage. Elle fait bien, elle me donne le beau rôle. Elle est flatteuse. Et de l'avoir écrite l'a fait mienne, semble-t-il. Tu connais le poids des mots, fussent-ils mensongers. Avant tout jugement. À vrai dire, Dora, je ne crois nullement à la justice des hommes, dont la seule propriété est de me permettre plus tard d'épouser Erida. S'il n'y avait Erida, nos amabilités particulières y suffiraient. Au sujet des enfants comme avec le reste, je suis trop honnête, avec moi-même, avec toi, pour jouer au monsieur qui mérite le beau rôle. Je suis ce curieux personnage double, pétri d'honnêteté lucide et de fourberie inguérissable. Et tout à coup, je me sens blasée. Blasée de moi-même. Bien avant que de l'être d'autrui. Blasée, finalement. Dans le blasé le plus complet. La perspective du bonheur possible me trouve blasée. Nulle joie, nulle excitation. Je rêve de la mort, mais je suis blasée devant la mort, comme devant la vie. À cause d'une stupide histoire d'amour, je m'excuse d'être contraint d'agir ainsi. J'ai. Le lendemain. Cher Dora, excuse-moi, mais je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que nous en viendrions là. C'est tellement inattendu, imprévisible, ce dénouement, cette séparation, cette fracture dans la vie. Et toi, que feras-tu? Que deviendras-tu? As-tu des projets? Je ne te comprends pas, je ne comprends pas ton attitude irréductible. J'ai écrit à Boris. Ainsi, mon dossier comprendra sa réponse à côté de l'excellente lettre de Duclos, dossier moral. Je gagne, j'ai le beau rôle, je suis la victime. Le jour du jugement, je suis acquittée. L'acquittement, en ce qui me concerne, est inévitable. J'ai. Le 22 avril 1961, chère Dora, te souviens-tu de Jean-Jacques Chic? Te souviens-tu de Jean-Jacques Chic? Lucienne voulait le surprendre en flagrant délit pour conserver Didier. Quelle machination pour arriver à ce résultat. Didier est tombé du tramway, distrait par le drame familial, profondément sensible haut. Il est mort dans la soirée à l'hôpital. Ainsi, la garde de l'enfant s'est trouvée réglée. Plus de discussion possible. Ainsi, chère Dora, j'ai annoncé nos changements de disposition autour de moi. Voici la phrase. Ma femme souffre d'une évolution spirituelle qui l'éloigne de l'Église. Est-ce bien cela ? Ma femme souffre d'une évolution spirituelle qui l'éloigne de l'Église. Je l'ai mijotée de longues heures, ma phrase, grillant paisiblement quelques cigarettes hier au soir. Car je suis paisible, autant que la phrase est jolie. Le mal est diagnostiqué, restent les remèdes, nous les envisageons. Une évolution spirituelle qui l'éloigne de l'Église. Ça sonne. Une véritable trouvaille. J'ai l'esprit clair, bien entendu, et froid, sans aucun doute. Dora, grande malade, incurable, infirme, et l'air de Suisse, si réputé soit-il en matière de religion, ne lui est d'aucun secours. J'ai. Le 29 avril 1961, que vas-tu faire de ta vie fracturée? Obstinée dans ton refus? Dans le non? Arc-boutée dans une vérité qui n'est pas la mienne? Quel mélancolique voyage est le tien, dont il ne restera que la blême lumière d'un blasé dans le passé, d'un inverti dans l'avenir. Est-ce donc là toute ton histoire, Dora? Quand nos petits-enfants parleront, ils diront « Notre grand-mère, le mélancolique passage de notre grand-mère en ce bas monde, s'est fait à la vacillante lueur d'un blasé dans la jeunesse, d'un inverti dans la vieillesse. » Ils la diront tout bas, ma pauvre chérie, ton histoire, car elle est parfaitement immorale, comme toutes les histoires du monde. Ton voyage, il est parfaitement ténébreux, comme tous les voyages du monde. Ton passage, il est parfaitement insipide, médiocre, inodore, incolore. Ton scandale est des plus quelconques entre tous les scandales du monde. Ta vie, Dora, est une très vieille histoire, fastidieuse, ennuyeuse au possible, pâle et déconcertante, monotone et morose. Comme la mienne, comme toutes les vies, qui se croisent dédaigneusement, bien à tort, dans toutes les rues du vaste monde, bien à tort de nous dédaigner les uns les autres, bien tort. À propos, j'ai omis les formules sentimentales pour clore mes dernières lettres. J'ai été sans courage finalement. Je ne crois pas, chérie, si chérie est une civilité, je ne crois pas, chérie, qu'il faille s'attarder davantage sur nos douleurs ressassées. Dora, tu ne reviendras pas. Satisfait de la rupture vers laquelle peu à peu je t'ai conduite, veux-tu désormais oublier les moyens employés ? Puisque tu tiens au divorce, nous adopterons cette solution. Ouf, merci, j'y suis arrivée à la phrase libératrice. Puisque tu tiens au divorce, c'est Dora qui veut divorcer. Je me range à ton avis. À toi le choix des armes, honneur aux dames. C'est clair, je suis arrivée au mot fin, à la phrase finale. Puisque tu veux divorcer, Dora, j'acquiesce. Sa femme l'a laissé, sa femme est partie, sa femme ne veut plus rentrer. Un homme seul ici. Enfin, après ces mois de correspondances assidues, passionnées, savantes, de discussions douloureuses, de pensées sinueuses, de calculs minutieux, le résultat espéré se trouve acquis. Ma femme dit qu'elle veut divorcer. Tout ce que j'ai fait, péniblement, laborieusement, consciencieusement, je l'ai fait pour conserver l'amour, l'amour des autres. Car c'est une histoire d'amour. Cordialement. Je t'écrirai plus longuement à propos des dispositions pratiques demain. G. Le 15 mai 1961, le mélodrame se termine. Les spectateurs ne se sont aperçus de rien. On les a menés du premier cri au dernier, les yeux bandés. C'est à peine s'ils s'aperçoivent de la transformation. Du moins, faut-il la leur annoncer. Avec précaution, avec ménagement, de cette même façon savante. Qui les a menés de notre première à notre dernière lettre, Dora ? J'ai dû m'y prendre à deux fois, que dis-je, à plusieurs fois, car ils n'y voyaient rien. La métamorphose était subtile. J'ai dû dire clairement, aussi clairement que possible, fortement, aussi fortement que possible, que toi et moi, Dora, c'est fini. Officiellement, raison de santé, officieusement, raison d'amour. Et que nous devons prendre des dispositions pour des jours meilleurs. J'ai dit la conclusion de notre amour. J'ai dit le mot fin, comme j'avais conduit le drame, avec la même adresse, la même élégance. Est-ce de l'élégance ? Tu ne peux revenir, renverser ce périlleux échafaudage. Nous n'allons pas tout recommencer, à moins que l'histoire t'amuse. Mais personne ne m'amuse. Trêve de plaisanterie. Voici le mot fin, fini de rire. Et nous partirons, toi et moi, pour d'autres rivages et de différents voyages. Qui y aura-t-il après le mot fin ? J'hésite sur le seuil, avant de clore cette porte et d'en rabattre le bois lourd, moi, vêtu de la pierre haute de l'église pesante sur le monde, j'hésite et je regarde inquiet ce dehors obscur que tu choisis. Ce dehors empli dans l'ombre de monstres difformes et inconnus. Mes monstres me sont bien connus. Mes difformités, je les ai récitées depuis tant d'années, chaque dimanche, chaque jour. Sécurité de mon snake pit, bien exploré. Mais toi, toi Dora, pour quelle absurdité, pour quelle obscurité t'es-tu décidée ? Dora, est-ce que tu vas mettre du rouge à lèvres ? De la crème ? De la poudre ? Est-ce que tu vas couper tes cheveux ? Est-ce que tu iras au cinéma ? Est-ce que tu vas fumer des cigarettes ? Dora, la cigarette au bec. Cette femme, cette manière de femme, cette gourgandine, cette poupée, rien dans la tête. C'est mon ex-femme. Est-ce que tu vas fumer des gauloises bleues ? La fille des Munzel fume des gauloises bleues. Est-ce que tu vas danser, boire l'apéritif ? Alors Dora, si c'est pour ces raisons que tu me quittes, tout est dit. Si ta liberté, si ton bonheur, si ta philosophie, c'est le rouge à lèvres, le cinéma, les gauloises bleues, n'en parlons plus, rupture. Du seuil des architectures glorieuses, je vois l'obscurité que tu as choisie. Se crever des enseignes lumineuses, des cigarettes géantes, des cheveux au vent, coupés, perdus, envolés, des verres abandonnés, car tu es incapable de boire un apéritif. Ainsi, Dora, ta vérité découverte n'est pas la mienne. La récréation sera vite close, quand sonnera la cloche de l'ombre compacte appesantie, toutes lumières éteintes, dans le monde muet, désert. Vers quel pays de cristal alors te diriger ? Ainsi, je t'aime encore un peu, tant soit peu. Je considère l'avenir de ma petite amie de 10 ans, mon amie d'hier, inconnue de demain, avec mélancolie, avec nostalgie. Le vent doux et triste de la pitié frôle et pèse sur les feuillages, s'inscrit dans mon cœur de sa marque douce, indélébile. Il est 7h25. Cette horloge entre moi et les jours, entre moi et la vie et le reste du monde. Le temps d'une grande pitié est-il enfin venu ? La rupture à 7h25. Ainsi, je t'ai perdu à cet instant précis. Sur ce cadran cruel, sorti du fond du ciel, et peut-être une larme glisse-t-elle, tandis que je referme la porte. J'ai. Suite suisse de Hélène Bessette. Je ne viens pas pour voir ce que tout le monde vient voir. Des lacs de larmes, je n'ai rien vu le premier soir. Je ne viens pas passer des vacances longues, Riviera, yachting et Cordillera. Je ne vais pas planter ma tente sur la hauteur des glaciers lointains, je ne verrai rien. S'il pleut, tandis que file un train, dans l'ombre, au bord des lacs de larmes, le soir à mon arrivée, dès l'arrivée de mes yeux couleur de pluie, je vois le monde à travers son brouillard. Le grand tourisme aux lampes mauvaises, ça éclaire mal, dans un éclairage singulier. Je suis triste, voilà pourquoi. Car peut-être il ne pleut pas, j'invente, humeur terne, lueur maussade, le train lent aux teintes fanées, lumière fade des gares inconnues. Pourquoi je suis ici, je ne saurais le dire. Si je le disais, ce serait inutile. Pourriez-vous le comprendre ? Vous ne sauriez me croire, même si je le racontais, aussi je ne raconte pas. Bon Dieu, pourquoi je suis ici ? Si moi-même je me pose la question, si je ne comprends pas, comment les autres à l'extérieur de moi peuvent-ils comprendre ? Je suis encore en train de faire une gaffe. L'homme du train me regarde, je n'aime pas qu'on me regarde. Un abîme de désespoir se creuse en moi si on me regarde. Ce face-à-face, ce cri aigu du social implacable. Ils gardent mon billet. Ici, ils font comme ça, je ne sais pas qui a inventé la méthode et si elle est bonne. Ils me surveillent peut-être, mon passeport est périmé. La douane a laissé aller, ça va comme ça. On ne vient pas en Suisse sans argent. Or, je n'ai pas de passeport et je n'ai pas d'argent. Double énigme, la petite énigme, comme ils disent, à Paris. Elle est double. Pourquoi son passeport n'est-il pas en règle et pourquoi n'a-t-elle pas d'argent ? Le filet se resserre. On va le faire au roman policier, encore une fois. Quel bazar ! Car maintenant, c'est la rue, c'est la Suisse. Aux glaces perfectionnées, je ne sais pas quoi faire. Irais-je dormir ? J'ai pas sommeil. Irais-je vivre ? J'ai pas envie de vivre. En France, ils disent que je suis une putain, que je cours après les hommes. Alors je peux pas le supporter. Je suis parti. Ils auront ma peau. Juste la tombe. Ils disent que je couche pour faire éditer mes livres. Ils disent le pire, ils le disent en français. Si seulement ils ne parlaient pas français. Je suis si triste. Voilà pourquoi j'ai passé la frontière. J'ai tellement froid. Prendre l'écouteur, baisser le bouton vert, pardon, le rouge. Baisser le bouton rouge, pardon, le vert. Lever le bouton rouge, oui, c'est exact. Le bouton rouge, sortir la fiche du 16, le haut, ou bien le 14. Madame Fibès descend pour le petit déjeuner, laissant une épingle à cheveux sur le marbre de son lavabo. Madame J.S. frappe à la porte de la chambre. Madame Fibès veut-elle se coiffer avec soin pour descendre au petit déjeuner ? Car voici ce qu'on trouve après elle. Attention, la porte. Attention, ici, grande maison. Et l'épingle à cheveux que Madame Fibès avait abandonné sur son lavabo, que Madame J.S. a fait quérir par le valet de chambre à la faveur du petit déjeuner. Ceci est moins grand. Mettre l'affiche dans le 3. Vous avez bien compris ? Non, dans le 3, vous dis-je. Dans le 5, vous ferez tout sauter. Et prenez de la vitesse, je vous en supplie. Si Madame Fibès ne sait pas se présenter à table, elle n'a jamais appris. Si Madame Fibès négligeait la zone, la butte, Montmartre, vous savez, Montparnasse, alors c'est la porte. Bien sûr, c'est la porte. Sonner chez elle, en poussant le bouton rouge, quelquefois en haut. Non, le rouge. Combien de fois, c'est sans importance. Annoncer la communication. Lever le bouton vert de rechef. Tirer le bouton noir. C'est une personne tout à fait insignifiante. C'est pas du tout notre genre. Se l'accrocher. La communication. Comment? Dès qu'elle aura fini de parler. La sonnerie recommence. Il faut y aller au bureau. Non, courez! Enfin, tout de même, vous savez pas encore reconnaître la sonnerie intérieure. Sortir la fiche du 3. Forte à la cantonade. Fiche du 3. Elle est dans le hall. Le hall luxueux, grand genre. Exactement, musée national ou magasin d'antiquité. Madame Bess, il faut porter des bas, mais les autres dames n'en portent pas. Oui, mais Madame Bess, passez un certain âge. Mettre la fiche dans le 16, ne touchez pas au 12. Surtout, ne touchez pas au 12. La fiche, mais voyons, madame, la fiche, votre fiche, là, le bouton noir. Poussez le bouton noir, recommencez, voulez-vous ? Recommencez, pour la pratique. D'accord ? D'abord, la fiche dans le 4. Allô ? Allô ? Air France changera le billet sans supplément. Téléphonez à Air France, s'il vous plaît. Téléphonez à Air France, vous l'avez ? Genève 022 25 683 650. Round trip Geneva, nice on flight. AF 673, on August 3rd. Sortir la fiche du 3. Mettre la fiche dans le 16. Presser le bouton noir. Non, pas lever, presser. Presser ! Il faut que je vous dise l'histoire des bas. Les bas ont une histoire. Returning flight, AF 672, on August 3rd. Est-ce que les jeunes filles sont au ski nautique ? Départ mardi 17 juin 1964 à Cointrin. Aujourd'hui à Cointrin, la grande romancière Stéphanie Bess-Dotti. Erreur à remettre, le bouton rouge, plusieurs fois vers le haut. Vous transmettez la communication, je communique. Il y a 4 ans et 8 mois, j'ai porté des espadrilles noires qui contrastaient avec ma peau claire. Les rustres de Fouilly-les-Oies ont déclaré que je faisais exprès de les exciter. Le petit journal de l'endroit a lancé la mode des chaussettes noires pour fillettes. Toujours sous le coup du noir et blanc, black and white, la France en bordée me suit de loin. 2. La peau, vol BEA 55, 12h45, 12h souligné, 12h, vol SR810, en vol 12h50 pour New York, notez New York, la fiche dans le 6, SVP, la fiche dans le 6, faites cesser la sonnerie, 13h45, vol SR146, en vol 14h15, Montréal via Paris, Cointrin. Aujourd'hui à Cointrin, la romancière Fibes avec bas, Cointrin, 13h45, déjà noté. SR 362 en vol, 14h55 Athènes, le large bruit de l'envol, Cointrin 15h25, SR 036 15h45 Zurich. Madame Fibes, si vous conduisez les jeunes filles au tea room, non, ça ne va pas. Ne réponds pas. Non, ne réponds pas. Air France de Genève, vol 665 17h05, Orly 18 d'Orly Air France, vol 668 21 20h45, Clermont-Ferrand 2h30 de Clermont, le 2 Air France, vol IT 68 22 9h, Orly 10h05, sortir la fiche du 16, SVP. Ça sonne. Mettre l'affiche dans le 3. Air France d'Orly, numéro 707, 13h. Arrive en New York. Et c'est très bien que je ne mène pas les jeunes filles au tea room si elles n'ont pas la permission. Et c'est pas moi qui donne la permission. Elle le sait, ça. Mais on nommait le chaînon de la permission. Car la porte, local time de New York, 16h. Local time de New York, national. Vol 207, 18h10. Arrive en Washington, National Airport, 19h15. Aujourd'hui à Cointrin, la romancière Steffi Bess, 10h45. Suissair, IT 815. La jeune fille n'y est pas. On ne communique pas la liste des passagers. Voir à l'arrivée, 9h50, retard annoncé. Venant Madrid, 11h15. La jeune fille n'est pas là. Voir tableau, 257 venant de Paris, 12h50. N'est pas arrivé. Voir 13h15. N'est pas arrivé. N'arrivera pas. La jeune fille n'est pas là. 021 34 56 78. Allô? La jeune fille n'est pas là. Aujourd'hui à Cointrin, la romancière Fibes attend jeune fille particulière. Non, on ne demande pas dans le haut-parleur. Suissair IT 843, 15h45. Je vais faire une course en ville. Je suis de retour pour 15h45. Un monsieur qui me connaît, très honoré car je ne le connais pas, directeur d'institut à Fribourg, dit-il. La jeune fille est arrivée, dit-il. Et vous n'y étiez pas ? On l'a conduite à Cornavin, gratuitement. Je ne paie pas. Elle sera à Champs d'Oiseau, avant vous. La romancière Steffi Bess, aujourd'hui à Cointrin. Bien reçue, bien jouée. Jeune fille enlevée, mise de côté pour que je ne la voie pas, que je ne la trouve pas. Quelle gourde ! Quelle dinde ! Impossible de lui donner une responsabilité. La jeune fille, je la vois maintenant. Non, elle n'y était pas. On a demandé à l'hôtesse de l'air de la garder quelques instants. La porte ! Attention à la porte ! La porte ! Le large bruit du vol 707 s'éloigne, le grondement sourd, le sifflement prolongé du vol 707. Je vais au tea room, je craque une allumette. Montréal, Washington, Paris, Bruxelles, Khartoum, Londres, Le Caire, Rio, Rome. Je mets Porgy. Quand Doty entre, il fait des avions avec son papier job et me demande comment je vais. Justement, il voulait me voir. Doty est ce garçon qui a été au service militaire 26 mois au Bahamo. Quand il est parti, il ne savait pas comment on fait les enfants. Il a servi au bar du mess des officiers 26 mois au Bahamo. Il est revenu, il ne sait pas encore comment on fait les enfants. Et ce jour, il désire me voir pour savoir comment on ne fait pas les enfants. Car, dit-il, faire des enfants pour les douleurs atroces de l'atome, c'est inutile. Puisqu'il a fait des avions avec le papier job, je lui prête mes allumettes et chante Porgy. Je ne peux répondre, car moi non plus, je ne sais faire les enfants, ni ne les pas faire. Puis nous sommes tristes, tandis que flambe le phosphore. Dans la pénombre, nous sommes silencieux, nous sortons. Porgy, derrière nous, continue, seul et sans nous, nous nous promenons sans parler dans la Suisse, triste, triste à pleurer. Mademoiselle DB crie « Un monsieur est monté chez vous !» Des hommes montent chez elle. C'est Doty, elle le sait. Et lui et moi, Doty et moi, sommes en grande conversation car je lui expose ma nouvelle et dernière théorie du roman moderne. Il s'agit du roman sans larmes et du roman sans peine. Il dit que si je réussis, il abandonnera la musique pour la littérature. Puis J.S. hurle « Nous sommes tous des camarades !» et me donne l'adresse de l'instruction publique à Genève. Lausanne me veut OAS, mais Genève me préfère FLN. Car vous savez que le grand communiste Jason, aujourd'hui à Cointrin, a passé 2 heures à Genève. Il y a de cela 4 ans, 6 mois, 3 jours. Pour une horloge, c'est une horloge suisse, sans aucun doute. Quant au rendez-vous, il est de toute évidence manqué. En tout cas, approximatif, mais à Genève, on n'y regarde pas de si près, vous savez. Et monsieur l'inspecteur, qui veut bien me recevoir, dit « Voulez-vous attendre 20 minutes ?» Ce qui évoque avec exactitude mon roman à succès, « 20 minutes avec mon père », lequel est traduit à Milan, escale célèbre pour les grandes croisières de plaisance de mon compatriote égaré. C'est du FLN pas très catholique, mais à Genève. On n'est pas catholique. C'était « N'avez-vous pas froid ?» suivi de « Suite Suisse » de Hélène Bessette. Dit par Anna Mougalis et Claudine Huneau. Musique de Vincent Artaud. Enregistré le 19 novembre 2015 à la Maison de la Poésie à Paris. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son Hervé Dubreuil et Sébastien Huel. Mixage Manuel Couturier. Réalisation Franck Lilin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission pendant 1 an sur le site de France Culture. Et tout de suite, les nuits de France Culture.